Ésaïe chapitre 7. Or il avint au jour d'Achaz, fils de Jotham, fils d'Ozia roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, et Pekach, fils de Remalja, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour lui faire la guerre, mais ils ne la purent forcer. Et on rapporta à la maison de David, en disant, la Syrie s'est reposée sur Éphraïm. Et le cœur d'Achaz, et le cœur de son peuple fut ébranlé, comme les arbres des forêts sont ébranlés par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, sors maintenant au devant d'Achaz, toi, et Séar-Jashub, ton fils, vers le bout du conduit du haut étang, vers le grand chemin du champ du foulon. Et lui dit, prends garde à toi, et demeure tranquille. Ne crains point, et que ton cœur ne devienne point lâche à cause des deux queues de ces tisons fumants, à cause, dis-je, de l'ardeur de la colère de Retsin et de la Syrie, et du fils de Remalja. De ce que la Syrie a délibéré avec Éphraïm, et le fils de Remalja de te faire du mal, en disant, montons en Judée, et la réveillons, et nous y faisons ouverture, partageons-la entre nous, et établissons pour roi le fils de Tabéal, au milieu d'elle. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, cela n'aura point d'effet, et ne se fera point. Car la capitale de la Syrie, c'est Damas, et le chef de Damas c'est Retsin, et dans 65 ans Éphraïm sera froissé, pour n'être plus un peuple. Et la capitale d'Éphraïm, c'est Samarie, et le chef de Samarie, c'est le fils de Remalja. Et si vous ne croyez ceci, certainement vous ne serez point affermis. Et l'Éternel continua de parler avec Achaz, en disant, demande un signe pour toi, de l'Éternel, ton Dieu, demande-le, soit au plus bas lieu, soit dans le plus haut. Et Achaz dit, je n'en demanderai point, et je ne tenterai point l'Éternel. Alors Ésaïe dit, écoutez maintenant, ô maison de David. Vous est-ce peu de chose de travailler les hommes, que vous travaillez aussi mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici, une vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et appellera son nom Emmanuel. Il mangera du beurre et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal, et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal, et choisir le bien, la terre que tu as en détestation, sera délaissée par ces deux rois. L'Éternel fera venir sur toi, et sur ton peuple, et sur la maison de ton père, par le roi d'Assur, des jours tels qu'il n'y en a point eu de semblables depuis le jour qu'Éphraïm se sépara de Juda. Et il arrivera qu'en ce jour-là, l'Éternel sifflera aux mouches, qui sont au bout des ruisseaux d'Égypte, et aux abeilles qui sont au pays d'Assur. Et elles viendront, et se poseront toutes dans les vallées désertes, et dans les trous des rochers, et par tous les buissons, et par tous les halliers. Et ce jour-là le Seigneur rasera avec le rasoir pris à louage au-delà du fleuve, savoir, avec le roi d'Assur, la tête et les poils des pieds, et il achèvera aussi la barbe. Et il arrivera en ce temps-là, qu'un homme nourrira une vache et deux brebis. Mais il arrivera que pour l'abondance du lait qu'elles rendront, il mangera du beurre, car tout homme qui sera demeuré de reste dans le pays, mangera du beurre et du miel. Et il arrivera en ce jour-là, que tout lieu où il y aura eu 1000 vignes, 2000 piastres d'argent, sera réduit en ronces et en épines. On y entrera avec des flèches et avec l'arc, car tout le pays ne sera que ronces et épines. Et dans toutes les montagnes qu'on essartait avec la serpe, là on ne viendra plus la peur des ronces et des épines, mais ce sera pour y jeter les bœufs, et pour être foulé des brebis.